Vendredi, oui, vendredi 9 décembre 2016, monte le volume, puisque là j'ai avec moi pour 2 semaines Arthur H comme invité. Monte le volume, mais hume la différence, c'est parti, mais chez. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Oui. Oui. C'est moi, Reynald Gagné. Bonsoir. Heureux de vous entendre, parce que ça marmonne. Ça croustille, hein? La ligne croustille. Et ça fait 3 semaines, et ça, c'est pas une blague. Ça fait 3 semaines que j'ai une nouvelle radio. Non, non, je travaille encore à CKRL, mais j'ai une radio qui diffuse, là. Alors, j'ai une nouvelle radio numérique. Vous savez, le genre Bluetooth, là. Puis là, ben, tu fermes ta radio. Mais c'est pas parce que tu as fermé ta radio. Ah non, tu fermes. Excuse-moi, oui. Veux-tu recommencer? Non, non, non, non, non. Ça va tellement mal. Cette semaine, là, c'est pas ma semaine. Pas ma semaine. Pas non plus. Hein. J'ai comme un moton. Moton, comment vous le dire, hein? C'est que la semaine a très mal débuté. Mon histoire de scooter. Mercredi. Avant mercredi, c'était de la chenoute, là. La belle grosse chenoute, là. Ça sentait l'automne. C'était l'automne, venteux, pluie, vent, venteux, vent, c'est venteux. Hein? Selon moi, là, c'est. Moi, je me suis acheté un beau venteux. Ah, pour l'hiver. C'est beau, c'est un venteux-là. Là, je ne sais pas pourquoi mon son n'est pas plus fort que ça aux oreilles. Puis ça m'énerve un peu. Mais en tout cas, admettons. Oui, exactement, vous ne le savez pas. C'est pas important pour vous autres, c'est pour moi. Je me soigne. Tu sais, dans les hôpitaux, là, quand tu es malade en soins palliatifs, là, on te demande êtes-vous confortable? J'en ai déjà parlé, êtes-vous confortable? J'ai eu tout ça quand on demande à quelqu'un qui va mourir êtes-vous confortable? Oh non, mais je suis très confortable. La barrière est haute. La barrière est haute. Les nuages sont bas. Gaétane va venir me chercher. Gaétane! Gaétane! Gaétane, ça, c'est ma perruche. J'ai eu une perruche en 1962. Ma perruche, là, quand je l'ai achetée, cette petite perruche-là, elle était toute mignonne. C'était un petit bébé perruche. Une perruchette, une perruchelle. On sait-tu comment ça s'appelle un petit bébé perruche? Comment? François Perruche? Ah, okay, c'est un petit François, mais aux femelles. Donc, c'est une Françoise Perruche, une belle petite Françoise Perruche. Puis là, elle était perchée. Puis là, elle me regardait. Puis elle avait l'air. C'était une. Pendant toute sa vie, elle était très émotive. Hein? Puis après ça, ben, on l'a mis stable. On l'a rendu confortable. Son médecin de famille, parce que c'est rendu que les animaux ont des médecins de famille, mais pas nous. Nous sommes aussi des animaux, mais il paraît qu'on n'a pas droit à ça. en même temps, c'est peut-être bien. Il faut en éliminer, il y en a trop. Éliminons, éliminons. Le monde veut le bébé, en tout cas, je l'ai déjà dit. Alors là, ça va pas très bien. Ah, puis la petite perruche, ça, c'est une histoire. Bon, OK, on va passer à autre chose. Là, il faut faire bref. Ma semaine, c'est de la chenoute. comme dit la petite chanteuse Leblanc, là, c'est de la... je peux pas dire ça. Ben. Et ça a commencé quand mon scooter... Moi, j'ai une pente assez descendante. Pas un peu, là, mais très descendante là, à franchir pour faire le tournant et arriver sur le boulevard Henri-Bourassa. Mais je passe pas sur le boulevard. Là. Ben, en fait, oui, je passe, mais pour aller sur une autre rue qui n'est pas un boulevard. Parce qu'on n'a pas le droit de rouler sur un boulevard quand on a un scooter. Alors là, c'est avant d'emprunter la butte descendante qui va m'amener, comme je vous l'ai dit, au boulevard. Je sens qu'il y a un morceau, qu'il y a quelque chose qui a flanché au niveau de mes freins. Ah, genre, non. Puis là, je passe tout. Moi, je suis du genre, là, depuis que je travaille à un endroit qui me pèse lourd, là. Et j'ai tendance à partir 5-6 minutes avant de me dire qu'à l'heure je vais arriver, ce sera très, très précis, là. J'arrive pas en retard, mais pas une minute de plus. C'est quand je franchis le stationnement, je freine, je débarque, puis bonjour, là, je descends en bas, puis je commence à faire le clown. Et là, je me prépare à descendre, et là, je suis un connaisseur, moi le professionnel, je suis un professionnel du scooter. Il y en a qui sont professionnels de la bagnole, moi, je pollue pas, fais pas de bruit. Pour une fois, je passe inaperçu, pour une fois. Et quand je commence à travailler, oh, je suis loin d'être inaperçu. Bonjour, comment ça va? Bonjour! Les gens qui travaillent avec moi disent « baisse le ton ». Pendant toute ma vie, j'ai crié, pas Aline, là, mais j'ai crié « Arthur, pour qu'il arrive! » Et je chantais, j'ai travaillé fort pour l'avoir, Arthur H, là, mais c'est pas la même histoire. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Ouais, ben oui, votre petit dernier va pas bien, hein? Bon... Il va revenir de ça. Il n'y a pas de problème. C'est sa troisième copine qui perd en deux semaines, mais s'il revient en même temps, il va avoir du gros plaisir. Hein? Du plaisir extraordinaire. Oh! Des soirées par-partouze. Par-par-par-par-par-qui? Ah, ça a l'air... Ben voyons donc, vous. Il est dans une religion. On ne peut pas... C'est un mouvement. C'est pas une c'est une religion. Extrémiste! Ça existe, des religions extrémistes? Moi, le jour où une religion va trancher des têtes pour des idées de leur dieu, c'est épouvantable. On n'est pas rendu là, heureusement. Alors là, j'arrive, descends, je sens que le frein vient de me lâcher. Là, je dis, c'est pas vrai. Je commençais pas à faire un enterrement, je vais arriver en retard au boulot. Le boulot que j'adore. J'adore ce boulot. C'est un beau boulot. Il est en train de pourrir, mais c'est un beau boulot. Je pleut tellement dessus. Puis tout le monde est tout croche dans ce boulot-là. Voyons, donc à moi, les branches, c'est comme dans un film d'épouvante. Quand on regarde le titre dans les années... quelle année, donc? 50-60, noir et blanc. Il y a un arbre toujours surréaliste, là. Comme dans les films russes des années 20. Muro, réalisateur de cinéma. Tu sais, les prises, là, le contre-plongée, interplongée, surplongée, plongée, longée, couchée, tranquille, au pied. Branle la queue, tilola la lurette. Fait que là, mes jeunes. Non, mais ça a lâché. Ça a lâché. Heureusement, j'avais une couche. Ah, 40 livres de pression. Non, c'est pas ça qui a lâché. C'est mes freins. Mes freins arrière. Moi, ça m'aurait pas dérangé, les freins avant. J'aurais jamais fait préparer ça. Avant, loup foie d'animal, intérêt principal. Mais, oh! Renan n'est pas prêteur. C'est là son moindre défaut. Là, je vais voir un bonhomme qui vend ça. Tu sais, on dit sur le marché noir. C'est un marché très noir, là. Hé, Saint-Avant. Là, j'ai pas amené ma lampe de poche, mec. Ben, là, t'es sur le marché noir. Ben, amène quelque chose pour t'éclairer, ma boussole. Tu sais, c'est quand même assez violent, là. Si tu te trompes, tu peux te faire couper la main. si tu t'allonges, tu peux faire couper la... Il faut faire attention. C'est des milieux, là. Moi, je suis expérimenté. Ça fait 29 ans que je fais ça. Moi, l'underground et moi, là, c'est similaire. Fait que je sais rencontrer le poireau, lui serrer la gueulotte, lui dire bonne chance à la prochaine, mon champion, mon grand, mon pouilleux, mon ex-privilégié. Fait que là, les freins manquent. Et je tiens dans ma main un plomb qui retenait le fil. Et lorsque je suis arrivé au boulot, on m'a dit que le fil, c'est en anglais, je ne comprenais pas. C'est comment donc? C'est un fisher? Non, c'est pas un fisher. Comment elle m'a raboutiné ça? C'est un... Bon, vous le savez, vous, mais moi, écoutez, l'anglais, puis moi, là, c'est... Je suis en langue seconde depuis 50 ans. C'est... Spincher, quoi. En tout cas. Donc, ça me lâche. Puis, comme je vous dis, c'est des freins dans l'arrière. Fait que là, je dois freiner par en avant. Puis, quand même, j'ai un minimum d'intelligence. J'ai dit, au lieu de freiner, je vais pomper. Tu sais, je vais ralentir tranquillement par secousse. Ça a bien été. Très bien été. J'arrive au boulot, là, la cuisinière, troisième cuisinière, comment? Ouais, c'est comme, oui, au karaté, troisième cuisinière versant droit. Non, voyons, non, les ceintures, ah oui, c'est ça, ceinture presque blanchâtre. C'est la cuisinière ceinture presque blanchâtre qui me dit, ah, c'est le ware, ça s'appelle un ware. Elle me dit, tu viens de casser ton ware. Là, dans ma tête, moi, ouais, on va voir, regarder, ouais, ils vont des champs, on va voir ce qui se passe. Fait que là, je dis, OK, venez voir. Ben, je peux bien aller voir, mais c'est ton ouais. OK, tu viens voir, mais tu sais que tu viens voir. Mais non, le ouais, c'est un ouais. C'est ce qui a cassé, c'est ton ouais. Mais lâche-moi, je le sais. Patrick Dewey était là avant toi, là, ma petite championne. C'est qui ça, Patrick Dewey? Ben, c'est elle qui m'a dit, c'est qu'est-ce qu'il y a sur ton casque de scooter? Elle pensait que c'était le Colonel Sanders. Mais c'était Woody Allen dans les années 80. Oh, quand la culture ne va pas, rien ne tient. C'est vrai qu'elle m'a dit ça, c'est le Colonel Sanders! J'ai dit non, c'est Woody Bobber! Jimmy Bobber, en tant que c'est Woody Allen, gars que j'ai voulu écrire quelque chose la semaine dernière, vous le savez, puis j'ai perdu par mon ordinateur qui n'est pas très, très futé lui non plus. Personne autour de moi est futé, je commence à me dire, peut-être que moi-même, je ne le suis pas. Peut-être. Ça fait que là, pour revenir à la maison, pas de frein. Toujours en arrière, donc c'est en avant que ça se passe. Il pleut, c'est l'automne. Il y a de la feuille, c'est glissant. Je fais mon acte de gémilection, hein? Je fais mon acte de gémilection. En tout cas, je suis en train de prier. Je prie qui? Je sais-tu, moi? Je prie. En fait, tous les grands chanteurs que j'ai aimés et qui ne sont plus de ce monde. J'ai-tu hâte que Mario Pelcha meure aussi, m'a prié pour lui? C'est pas vrai. Reste vivant, Mario. J'aime mieux haïr quelqu'un qui est vivant que quelqu'un qui est mort. Bon, allons donc! Pardon? On n'a pas parlé d'aide. Non, nous, on aime, on est dans l'amour absolu. Mais il y a pire que ça, là, Céline Bidon. Mais c'est pas mon propos. Donc, le lendemain... Je prends tous les renseignements, puis j'essaie de me trouver rapidement, comme disait Madame Chose, cuisinière ceinture de BAM. C'est quoi qu'elle avait dit? Un fisher? Pas un fisher, voyons donc. Ouais, un wire, elle dit. Fait que là, je connais un gars sur le marché noir qui en a des wires. Il dit, moi, wire, s'il y en a des wires, c'est avant, arrière. Je savais pas, là, avant que je vérifie. Mais, oh! Parce que je pensais que c'était des wires universels. En passant, c'est câble pour frein en français. Mais on va rester avec wire pour rire. Parce que je ne sais même pas comment écrire wire. Wire. O-U-E, accent grave. Très, très grave. Très, très grave. Même trois E, accent Saint-Anne. Sainte-Bénite. Non, mais esthétiquement, c'est beau. Ouais. Viens voir Arthur H. À la radio. Imagine-toi. Gaétane. Ma belle Gaétane qui appelle tout le monde. Hey, hey, écoutez. Hey, je vous invite, hein. Venez voir Arthur H. à la radio. Ben oui, on peut voir la radio. On peut la regarder. Mais on peut pas voir le gars qui était là. On peut s'imaginer, oui. Il nous reste ça dans la vie, l'imagination. Jetez vos télés. Continuez à lire si vous n'avez pas lu. Commencez par les recettes de Madame Bertrand. Madame Bertrand, je suis un beau pouilleux de 35 caca, hein? 35 de 50 ans. Et je me dis, pourquoi chanter? Madame Bertrand, je suis un vieux pouilleux de 50 ans. Et si tu peux, j'aimerais te l'amant. Madame Bertrand, Martina! Et là, écoute, il m'envoie voir pour le voir chez mon concessionnaire du noir, l'Underground. Il me dit, moi, je peux t'avoir ça. C'est pour quand? Mais le plus tôt possible, là. Je peux me casser la gueule, je peux mourir. Bon, c'est pas important, là. Il y en a d'autres dans le monde, là, que toi, là. Mais oui, mais j'en ai mini. Ouais, mais il y en a d'autres, des clowns, là, comme toi. Ben, je ne crois pas. Ils ont tout cassé les moules. Ils ont ici volé vie incinérée. Ils ont creusé un trou tellement profond que c'est rendu chez les Chinois puis ils vendent ça sur eBay. Imaginez-vous. Madame Bertrand, je suis un vieux pouilleux de 50 ans. Monsieur Bertrand, Madame Bertrand. Non, parce que Monsieur Bertrand, c'est Jean la jeunesse. Jean la jeunesse. Ah, moi, dans la jeunesse, j'avais pas de scooter. Fait que là, le gars du marché noir me vend son affaire. 35$. Fait que je fais mes recherches sur Internet. Mais je l'avais là, dans les 10 heures. Fait que j'ai dit, je vais l'acheter. Je vais me faire avoir. Je sais que ça coûte pas ça. Sur Internet, frein avant, frein arrière, scooter électrique, 7,95$, transport gratuit en argent québécoise. Mon scooter a 8 ans. 3, 4 ans. Ça a 8 ans. Non, 4 ans. Et je m'en suis acheté pour plusieurs scooters à venir à ce prix-là. C'est à peu près ça. Fait que là, ça finit pas de même. Je le place pas immédiatement. Je me prépare à aller le chercher. Le gars m'appelle. Il dit, OK, je l'ai. Le gars du marché noir, je l'ai. Okay. Fait que je pars 5 minutes avant. C'est juste à côté de mon boulot. Mon ciboulot. Mais là, en tournant, Henri Bourassa, pour atteindre une rue qui n'est pas un boulevard, j'ai le droit d'aller là. Appelez pas la police, madame. Faites pas ça. J'applique trop rapidement les freins avant. Je dérape. Me blesse au genou. Brise mes pantalons que je venais d'acheter. Des pantalons qui me vont tellement bien, qui me moulent. Comment? C'est pas les moules? Oh, jardin de moule, je ne veux pas m'arrêter que la ville, bine, on veut ton fils et 20 ans, que la moule, la ville. C'est pas la même chanson, ça. Ça fait que dérape. Là, quand tu dérapes, moi, je suis habitué à l'errance canadienne, c'est ma vie. Ma vie! Non, je l'ai fait, ça. Et ça fait que je regarde toujours avant de glisser quelques... Mais ça va vite, là. Mais je suis un professionnel. Par le rétroviseur, s'il y a des voitures qui arrivent. C'est oui. C'est version hérisson. Tu te recroquevilles et tu tournes vers le trottoir. Là, tu te dis, mais voyons donc, toi... C'est une fraction de seconde. Ben oui, mais hey, moi, je suis un gars allumé. Moi, là, on m'appelle le feu le foyer. On m'a appelé le feu le foyer. Le feu le foyer? Moi, je suis un feu le foyer. Faut le dire à tout le monde. Un feu de foyer. Feu de foyer. On dirait que la lèvre d'en bas, feu de foyer. Feu! Excusez-moi, micro. Ça vient de cochonner partout. Vas-y, mon cochonne, cochonne! Et la championne, vas-y. Alors donc, on y va, on glisse, on regarde. Puis là, il y a un genre de gros crétin de droite, sans doute, qui vote pour le... qui me regarde la vitre baissée de sa grosse camionnette puante 8 cylindres boucanante. Gros tas, là, tu sais, un gros tas, là. On pourrait le mettre sur le coin de la rue, puis les vidangeurs, les ramoneurs, puis les prostituées pourraient passer à côté. Et il me demande même pas, quand j'ai tombé, j'ai pas fait de la version de Hérisson, j'ai fait de la version classique. Il m'a pas demandé si ça va bien. Vous êtes cassé là. Ça a dérapé. Ça... Non, il m'a regardé. Tu sais, comme un épais qui regarde sa télévision, là. Savez-vous ce que j'ai dit? J'ai arrêté d'écouter, je dirais pas la station. Vous devenez imperméable. Puis là, j'ai pris. J'ai eu une crampe, hein, au doigt. Le pouce, le majeur. J'ai pris le majeur, je l'ai crampé devant lui en disant « Malheureusement, je ne suis pas blessé, les ambulanciers viendront pas, le spectacle ne finira... » Non, le spectacle finira comme ça. Je n'ai pas dit ça de même, là, mais j'ai pris le scooter, je suis reparti. Là, je suis allé voir mon go noir pour le wear dans les deux sens, pour avoir le wear et pour le wear pour acheter le wear. 35$. Bon, j'y raconte même que sur Internet, je vais en avoir à ce prix-là au moins 3 à 4 avant-arrière. Il dit, hey, c'est chez les Chinois. Comment ça, les Chinois? C'est sur un site Internet. Si eux autres achètent chez les Chinois, tu l'as acheté chez les Chinois? Tu me le vends à un prix québécois? Tu me parles pour qui? Je les connais, je marche depuis trop de temps sur la terre. Je les dérange, les Chinois, alors je leur dois bien une redevance. M'acheter leurs produits, c'est pas cher. Pas cher, puis c'est efficace quand même, là, c'est efficace. Moi, j'ai rien à dire contre, mais en tout cas, madame, mademoiselle, messieurs, je suis ici devant vous, encore vivant, et j'ai toujours dit, à propos de ce merveilleux scooter que j'adore encore, à l'origine, lors de mon achat, devant des gens de mes proches qui se sont éloignés après, je leur ai mentionné que c'était mon tombeau à deux roues. Ce sera mon tombeau. Je vais mourir sur mon scooter. Je le souhaite. M'envoler comme le pigeon wireur avec un message rempli de sang et de restants rénaldiens. Là. Sinon, le monde broyant à écouter mes émissions. C'était bizarre, hein? C'était. Et mes amis, ensuite de ça, autre chose beaucoup plus intellectuelle et intéressante. Le poète Gaston Miron adorait raconter l'anecdote de ce jour de 1990 où il dut apprendre à Régent Ducharme par téléphone qu'il venait de remporter le prestigieux... Oh, mais avant... Avant, on va placer ça peut-être... Non, c'est pas un film, vous avez raison. Effectivement, c'est pas un film. Mais comme j'ai aucune critique, j'en ai une, mais je l'ai pas encore écrite. C'était Woody Allen, que j'ai perdu. Je voulais, ah, bon, on va arrêter de radoter. Ça fait comme le vieux plumard qui ne trouve plus son plumage. Oh! OK, mais on va prendre le générique du cinéma pour parler de mon ami Gaston Miron. Oh, vous allez voir, ce sera chouette. Très chouette. On y va. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Et je t'emmène au cinéma. Hey. n'est pas du cinéma, mais j'ai glané sur le site de mon ami Yvon Danjou, qui est un poète québécois, un grand poète québécois, un texte qui nous a fait partager avec grand plaisir et je vous le cite maintenant. Le poète Gaston Miron adorait raconter l'anecdote de ce jour de 1990 où il dut apprendre à Régent Duchamp par téléphone qu'il venait de remporter le prestigieux prix Gilles Corbeil. Alors, c'est la femme du romancier qui, comme toujours, décoche à l'appareil. Miron, de sa voix grave et tonitruante, lui annonça alors tout de go la bonne nouvelle. « Régent vient de remporter le prix Gilles Corbeil pour l'ensemble de son œuvre. C'est 100 000 $ non imposables. » La réponse qu'elle lui fit, toute naïve, étant digne d'une de ses œuvres, « Oh, Régent va être si heureux. Ça va faire si longtemps qu'il voulait s'acheter une bicyclette. » Miron avait toujours un large sourire aux lèvres lorsqu'il raconta cette histoire. L'écrivain Régent Duchamp refuse tout net de s'inscrire dans la galerie des têtes couronnées par les médias. Cet ogre des temps modernes qui avale à la chaîne des auteurs et les images afin de les recracher en une bouillie propre à la consommation des multitudes. Point. Là, vous allez me dire, ouais, la lecture a été quand même... Oui. L'écrivain Régent Duchamp refuse tout net de s'inscrire dans la galerie des têtes couronnées par les médias. Ces orgues des temps modernes qui avalent à la chaîne des auteurs et... Hein? Oui? Oui, oui. Oui, mais... Vous qui m'arrêtiez sans m'entendre, j'étais en train de terminer parce que les césures, c'est dur les césures, oui, effectivement, mais il faut les respecter. La ponctuation d'un texte est très importante. Donc, l'écrivain Régent Duchamp refuse tout net de s'inscrire dans la galerie des têtes couronnées par les médias. De l'orgue. Avez-vous de l'orgue, madame? Oui, l'orgue du mariage. Non, ça, c'est disgracieux pour l'oreille. Alors, dans les... ces ogres des temps modernes qui avalent à la chaîne des auteurs et leurs images afin de les recracher en une bouillie propre à la consommation des multitudes. Le texte se nommait « Les honneurs déshonorés », affirmait Flaubert, portrait de Régent Duchamp, Yvon Danjou. Bon, là, je sais que à la lecture comme cela, vous allez vous dire c'est extrait d'un texte de... Non, à l'œil, parce que moi, j'ai toujours dit, et je ne m'en prive pas encore aujourd'hui, j'ai l'angle mort passablement vivant, donc je voyais Flaubert, et je pensais que c'était les éditions, pas Flaubert, mais... Exactement! Donc, c'est pour ça que je m'arrêtais. Et je vais reprendre. C'est pas vrai, pas la quatrième fois. Hein? S'il vous plaît, M. Grenier. Hein? Non, mais on peut le faire. S'il vous plaît, M. Grenier. Oui. Qu'est-ce qui se passe, madame? S'il vous plaît, M. Grenier. Oui, vous voulez pas... Vous voulez pas que je reprenne? Allô? Allô? Madame. Soyez concise et directe. Vous êtes une beauté récalcitrante, mais tellement abondante. Vous purgitez, vous friturez, vous abondez. Ouais. OK. Alors, je recommence le texte. Allô? Allô? Allô? Allô? Hey, même mon... Tout me lâche. Mon scooter, mon appareil odeur. « Moi je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Nous l'adorons dans nos nuits blanches, puisqu'elle fait nos belles vidéos. Wow, wow, vidéo, c'est trop moderne. C'est trop moderne, monsieur. Nous parlerons pas de cinéma, mais d'une belle lecture que j'ai glanée grâce à mon ami Yvon Dangeau, grand poète québécois. Le poète Gaston Miron adorait raconter l'anecdote. Le poète Gaston Miron adorait raconter l'anecdote de ce jour de 1990 où il dut apprendre à Régent Duchamp par téléphone qu'il venait de remporter le prestigieux prix Gilles Corbeil. C'est la femme du romancier qui, comme toujours, décoche l'appareil. Miron, de sa voix grave et tonitruante, lui annonça alors tout de go la bonne nouvelle. Régent vient de remporter le prix Gilles Corbeil pour l'ensemble de son œuvre. C'est 100 000 $ non imposables. La réponse qu'elle lui fit, toute naïve, était digne d'une de ses œuvres. Oh, oh, oh, Régent va être si heureux. Ça fait si longtemps qu'il voulait s'acheter une bicyclette. Miron avait toujours un large sourire aux lèvres lorsqu'il raconta cette histoire. L'écrivain Régent Duchamp refuse tout net de s'inscrire dans la galerie des têtes couronnées par les médias, ces ogres des temps modernes qui avalent à la chaîne des auteurs et leurs images afin de les recracher en une bouillie propre à la consommation des multitudes. Les honneurs déshonorés, affirmait Flaubert, portrait de Régent Duchamp, Yvon Dangeau. Tournez la page. Les réels. Comment? Les réels. Les réels, j'avais pas pris de réels cette année, j'avais pas de maudit. Non, les réels. Les réels, oh. Le surnaturel aussi. Avec Arthur, tout est permis. Monsieur le Président, ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vais vous raconter ma vie en film ou en réalité. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, je suis rouge comme une vipère. Comment ça? Une vipère, c'est pas rouge. Comme le homard. Un homard, c'est pas rouge. Mais quand tu te trempes dans l'eau qui fait des bulles, ouais, mais là, ça devient moins intéressant. Là. On parle de la mort.

car les auditeurs de CKRL le connaissent. Ma rencontre a été de longue durée. Non, la rencontre n'a pas été de longue durée. Quoique, 45-50 minutes. Mais avant de le rencontrer, ça a été une longue durée. Beaucoup de difficultés, beaucoup de travail. 5 ans d'acharnement thérapeutique. Je me faisais masser, arrêter là. Les vibrations, il me semble que ça sonne Bachik Bouzoung Band, puis ça va bien, mais Arthur, je sais pas, il n'y a pas de correspondance. Il y en a de la correspondance, parce que la première fois que j'ai voulu le rencontrer, j'habite toujours dans des auberges de jeunesse. Le réceptionniste ne parlait pas français. Arthur lui donne l'adresse parce qu'à l'époque, le cellulaire n'existait presque pas. Ça fait longtemps, là. J'étais à Paris. Et j'ose dire à l'homme qui était à la réception, je vais recevoir un message, un téléphone important. Pouvez-vous prendre la missive? Pouvez-vous prendre la notation? Je comprends pas trop ce que je veux dire, mais c'était un... Je veux pas balancer de truc. En tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, il parlait pas français. Donc, je reviens, je rencontre Didier Ouvrard à l'époque, plein de vedettes. 19h, auberge de jeunesse, réception. Alors, avez-vous reçu... Oui. Puis là, hey, écoute, la rencontre, c'était un endroit qui n'existait pas. Je faisais des recherches sur Internet, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de numéro pour rappeler Arthur H. Là, je dis, voyons. Là. Puis on devait se rencontrer le lendemain. Il déménageait dans le quartier Pigalle, pas très loin d'où je faisais ma rencontre, où je fais mes rencontres depuis le début. Là, bien sûr qu'on ne peut pas... On ne peut pas se joindre. Toutes les informations sont un peu bancales. Donc, j'oublie le projet. Arthur H. encore, je ne peux pas le rencontrer. L'année suivante, ben là, il s'est dit que le mec n'était pas très, très sérieux parce que lui, s'était rendu. C'était un restaurant que je fréquente régulièrement, la Luna. Je vais manger mon steak, pour ne pas dire ma bavette. J'adore la bavette de là-bas. Les frites sont assez exceptionnelles. Donc, je connaissais l'endroit, mais sur le papier, c'était rien. C'était quoi, donc? C'était Chine, rue étrange, puis qui n'existait même pas à Paris. Donc, j'oublie. L'année suivante, ben, il me dit qu'il ne pouvait pas. L'année suivante, il rentre en studio. L'année après, il est en tournée en Allemagne. Puis ce qui m'a fait le rencontrer, c'est assez épouvantable. Je vais vous raconter rapidement. L'année dernière, je lui annonce que c'est ma dernière rencontre, mais mon dernier voyage, parce que pour des raisons de santé. Je ne pouvais plus aller à Paris, puis que bon, c'était. Mais j'ai pas dit qu'est-ce que j'avais, mais problème de santé. Je reçois une réponse d'Arthur. J'ai dit OK, il n'y a pas de problème. Oh, et c'est pour ça qu'on peut entendre ceci maintenant. Je pense à toi. À Barcelone et à Casablanca, je t'ai envoyé quelques lettres déjà. J'ai rencontré plusieurs femmes de choix et j'ai souvent refusé leurs caresses, car je n'ai cessé de penser à toi et à certaines promesses. Alors sache que si je ne te vois pas le mardi 23 au quai numéro 3, je ne descendrai plus du bateau et on se reverra pas de si tôt. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix.

déficiente. Commence une valse lente quand le bon Dieu a mon beau. Le pire de tout, c'est Sam, Sam au Congas, qui veut jouer comme un noir, mais qui est juste noir au comptoir. Pas cheveux de peine, pas cheveux de peine ce soir. Pas cheveux de peine, pas cheveux de peine. We'll be right back. rose Fernand est pour toi. Ses perles brilleront dans la nuit. Tu seras toujours pour moi la reine des mille et une nuits. Oh, chérie, écoute-moi. Chérie, ne hurle pas. Chérie, tes répétos dorés, ça te plaît? Mes répétos dorés. Tu te sens bien? Je suis très très bien. Je t'ai souvent. J'ai même des petits bas, tu vois. Couleur chair. Sinon, ça colle aux pieds. Je vois de quoi tu parles. Tu mets des fois des petits bas couleur chair, comme ça? Non, ça c'est une autre étape pour moi. C'est un truc à... Je n'en suis pas là. T'as pas 40 ans? Mathieu, est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif? Oui, j'aime. C'est bien. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime squaw? C'est ça, oui. Ça, j'aime beaucoup. Des mots, des mains. Bon, alors, nous irons vivre libre. Dans un pays sauvage, dans un pays sauvage. Et nos armes seront, et nos armes seront. L'amour et le courage, mon ami n'est pas peur. Je saurais te défendre. Et d'un bon coup de botte, je te mets le serpent à sonnette. Je te mets le serpent à sonnette. Je te mets le serpent à sonnette. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros Nous irons vivre libre dans un pays sauvage. Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et un bon coup de botte, sonne les serpents à sonnette. Thank you. Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Salut. Ça va bien? Ça va, ouais, ouais. T'es presque un Québécois. Avec les années que t'as passées à venir faire des spectacles chez nous, puis t'as même un spectacle qui a été capté à Québec. Merci. Un café du matin arrive. Oui, oui. Et ça fait du bien le matin de commencer avec un bon café. Ouais, ça, ouais, ouais. Ça réveille tranquillement. Ouais, c'est un album qui s'est fait au d'Auteuil, en chair et en os. Ah oui, alors ça, c'est il y a longtemps. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et oui, qui oui. a été capté à Québec. Ouais, en partie, oui. Oui, oui, oui. Il y a juste Cold Jazz qui a été pris en Afrique, je crois, ou en... Il y a quelques morceaux d'Auteuil, il y a deux, trois morceaux en Afrique, puisqu'on avait enchaîné une tournée en Afrique de l'Ouest. Parce qu'auparavant, on avait fait deux tournées en Afrique de l'Est, qui n'était pas du tout la même chose. Parce que le public n'est pas le même. C'est surtout que les pays sont différents, oui. Les cultures sont différentes. Oui. C'est un peu comme la Norvège et l'Italie, ou la Colombie et le Canada. Et le Québec. Voilà. Parce qu'on a toujours eu une tyrannie entre le Québec et le Canada, donc... En plus, on rajoute des difficultés. Oui, mais peut-être qu'en étant francophone aussi, on s'est exclu du Canada anglo. Bah, disons que la variété est très très importante, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rouleau, pas le rouleau compresseur, mais la machine anglo-saxonne était tellement grosse et puissante que... faut vraiment résister, d'autant plus. Ouais. Moi, évidemment, j'adore la culture américaine et les États-Unis, tout ça, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est leur surpuissance culturelle, quoi. Ouais. la suprématie. Ouais, voilà, la suprématie. Puis, et l'impérialisme travaille d'une façon si subtile qu'on a l'impression que c'est notre culture, en fait. On a tellement imprégné, on a tellement absorbé les codes sur la planète entière, hein, pas seulement les francophones, sur toute la planète, qu'on a l'impression que c'est à nous, alors qu'en fait, c'est vraiment un produit d'importation qui est très extrêmement et terriblement efficace, quoi. Et on va commencer par le début. Tu es né à Paris. Oui. Dans quel arrondissement? Je suis né dans le 14e, dans une maternité, une vieille maternité parisienne. Ok. Et... Parce que j'étais un vieux bébé, c'est pour ça. Oui, c'est ça, t'es né vieux. Et étrangement, t'as fait tes études à Boston. J'ai eu un peu un problème d'études à un moment, c'est-à-dire que j'ai vraiment très très beaucoup décroché, d'où mon français. Ok, oui. Assez jeune, enfin à partir de 14 ans, jusqu'à 14 ans, j'étais vraiment un bon élève, quoi. J'aimais bien apprendre. Et t'étais ici à Paris, là, t'étais... J'étais à Paris, ouais. Mais simplement, émotionnellement, psychiquement, j'étais de moins en moins là. J'ai beaucoup de rébellion, moi. Et j'étais très anti-système. Et puis j'étais très, très inadapté aussi au groupe. Ok. Et de plus en plus, en fait. Jusqu'au moment où, en seconde, quand j'avais 15 ans, c'est devenu vraiment insupportable. J'ai vécu certaines expériences et après, je ne pouvais plus rester au lycée, tout simplement. Ça m'était physiquement impossible. Du coup, j'ai fait une fugue, je suis parti. J'ai stoppé mes études à 15 ans. Et après, il fallait bien que je fasse quelque chose. Parce qu'à 15 ans, tu ne peux pas faire grand-chose. Ouais. Pas travailler ou tout ça. Mais... Enfin, c'est pas comme avant où j'aurais pu travailler tranquillement. Ouais. Du coup, avec ma mère, on a trouvé cette école de musique que j'ai eu la chance de faire, qui était vraiment une grande expérience. Mais est-ce que pour toi, être le fils d'un chanteur connu a été difficile? C'est pour ça que tu avais une sorte de flamme intérieure qui te... Ça rajoutait de la difficulté. C'était peut-être pas ma difficulté principale, parce que ma difficulté principale, elle était existentielle. Mais c'est sûr que le fait d'être... la difficulté de rapport avec mon père due à sa célébrité et due au regard des autres a ajouté une super couche, quand même. Ouais. C'est sûr, il y avait une grosse couche en plus. Ouais. Mais c'est pour ça la difficulté de rester étudiant à Paris dans l'anonymat. Tu pouvais pas être anonyme. Moi, j'étais pas anonyme parce que, par exemple, quand j'étais au lycée, tout le monde savait que j'étais le fils de Jacques Higelin. Ben oui. Tout le monde me regardait comme une bête curieuse, sauf moi. Moi, j'étais persuadé que j'étais quelqu'un de normal, parce que j'avais une vie normale, donc j'étais très innocent par rapport à ça, en fait. Je m'en rendais pas du tout compte, j'ai jamais eu ce regard-là de quelqu'un de privilégié, parce que je suis issu aussi d'une famille populaire. La vie avec ma mère était tout à fait normale, elle n'était pas du tout ni show business, ni jet set, ni rien du tout. Même si, par ailleurs, parfois, je pouvais effectivement... Par exemple, quand j'avais 13 ans, je suis allé ma première fois au Québec. Et j'ai rencontré Charlebois, par exemple, et on est allé dans sa maison de lac. Mais pour moi, Charlebois, voilà. Quand j'étais petit, mais pour moi, ça voulait rien dire. C'était un truc normal. Je rencontrais juste un copain de mon père. Je ne rencontrais pas la star Charlebois, tu vois. Parce que je ne connaissais pas Charlebois. Donc il y avait des événements comme ça, qui étaient rares et puis qui n'étaient pas fondamentales pour moi, quoi. Mais c'est la période aussi où il travaillait avec Diane Dufresne, la mise en scène avec Diane Dufresne, donc c'est là que... Et ça, Diane Dufresne, je l'ai pas rencontré, moi. OK. Ouais. Mais est-ce que le fait d'être enfant et de se voir comme les autres, mais quand tu analyses tout ça aujourd'hui, tu te dis, ouais, ben c'est vraiment pas ce que j'étais, un enfant ordinaire. J'étais pas ordinaire, comme le chanteur Robert Charlebois. J'étais un autre, puis les gens me voyaient comme ça. Donc, c'était ça la difficulté, de vouloir être ordinaire sans l'être vraiment. Ouais, mais j'étais pas ordinaire à cause du fait que j'étais le fils de Jacques Higelin, qui était à l'époque effectivement très très connu. J'étais pas ordinaire à cause de ma personnalité, juste mes goûts, mes intérêts, qui étaient... par exemple, pour te dire une anecdote, j'avais deux copains à l'époque, on traînait tout le temps ensemble, on écoutait de la Cold Wave, on écoutait Joy Division and Peel et tout ça. C'était l'époque, post-punk. Et à un moment, je me suis dit... parce que évidemment on glandait, on était des glandeurs, on traînait, tu vois, comme des adolescents, quoi, c'est normal. En plus, quand t'écoutes ce genre de musique, ça incite pas vraiment à l'action, tu vois. Non, c'est à la contemplation. Ouais. C'est vraiment longue plainte, quoi. Longue plainte. Et à un moment, je me suis dit, putain, mais je perds mon temps avec eux. On est toujours là à rien foutre. Et c'est pas mon but dans la vie. Je sais pas ce que c'est mon but dans la vie, mais je sais que c'est pas ça. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de leur parler, en fait. Mes meilleurs amis, c'était mes meilleurs amis. On passait tout notre temps ensemble, c'était mes amis de cœur, tu vois. J'ai pris une décision dans ma tête, et le lendemain, je me suis assis à côté dans la classe, et je leur ai plus jamais parlé. Donc ça, c'est pas ordinaire, tu vois, par exemple. Non, mais comment ils ont pris ça? Je sais pas, parce que je leur ai pas parlé. Mais ils te voyaient comme encore la bête curieuse que tu disais tout à l'heure. Oui, voilà, je me suis totalement isolé, en fait. Parce que j'avais un monde intérieur très très riche, et plus mon monde extérieur et intérieur était riche, et plus mon monde extérieur était pauvre, ce qui est pas bon, ce qui est déséquilibré, mais j'ai vraiment fait une crise adolescente comme ça, très très forte. Et à quel âge tu t'es découvert une voix rauque, et c'est à quel moment, 16 ans, 17 ans après? En fait, j'aimais beaucoup Jim Morrison. J'avais vraiment une... J'étais comme des milliers d'adolescents. C'est-à-dire que je pensais que j'ai une connexion particulière avec Jim Morrison, poétiquement, quoi. Je pensais que je le comprenais, il me comprenait quelque part. Même s'il était mort, malheureusement, il me comprenait quand même. Et musicalement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce qu'en fait, Jim Morrison, dans les Doors, il y a vraiment une influence très forte de la musique européenne, finalement, du cabaret. De Rimbaud, de Baudelaire, tu sais, alors que moi je lisais beaucoup Rimbaud et Baudelaire, et que ça a beaucoup influencé la poésie de Jim Morrison. Il y avait un lien avec le petit français que j'étais, que j'avais pas, par exemple, avec, je sais pas, Grateful Dead, ou tu vois, c'est ce qui était un produit typiquement américain, alors que les Doors, il y avait un lien avec l'Europe, et avec la poésie française, quoi, francophone. Du coup, il y avait Céline très fort, puis avec sa voix aussi. Et puis je me suis dit, tiens, ça m'a donné ça, le goût de chanter, en fait. Et ensuite, très tard, en fait, à 19 ans, j'ai découvert Gainsbourg. Un bruit électrique, un bruit qui meurt tout en douceur. vol, moi aussi. Belle ville, la Pigalle, la Tour Eiffel et le fleuve noir. Dans ton lit, mais questionne dans ta somptueuse piscine. Tout doucement, tu te noies. Comme un rêve, tu glisses dans l'eau noire. Et moi, sournois, je souris. Tes nombreuses femmes peu à peu te ruinent. Ta cocaïne trop pure te broie les narines. Et même si tous les soirs, dans ton cognac, je m'abîme, je serai bien plus heureux que toi. Chérie John, John, John, tu es la reine. Tu es la reine des pommes. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. John, John, John, tu es la reine des pommes. John, John, John, tu es la reine des pommes. Ouais, tous ensemble. John, John, John, tu es la reine des pommes. John, John, John, John,

service super. Elle est vraiment super. Non, le magasin ferme ses portes dans 15 minutes. Bonsoir, chers amis. Prêt pour un petit voyage. Ouais. La poitrine criblée d'éclats de lune. En avance, en rang compact. En avant-marche, mes frères. Gaffe à la brigade légère, chair amicale, des ponts aériens, nous pénétrons l'arène. Un incendie dans chaque main, tout offert à la bonne fortune, c'est nous les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés, c'est nous les pieds nickelés. Nous sommes les pieds nickelés. L'amour nous protège, la poitrine criblée d'éclats de soleil, le torse constellé d'étoiles, c'est nous les pieds nickelés, raides fauchés, c'est nous les pieds nickelés, amants légers, nous sommes les pieds nickelés, c'est nous les pieds nickelés, nous sommes les pieds nickelés, c'est nous les pieds nickelés. Les pieds nickelés sont les pieds nickelés sont. par hasard, comme ça. Éparasé. Moi, quoi qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de poils. Donc, j'ai pas besoin de me raser à 19 ans. Et sur une petite radio, comme ça, dans un bar sur une plage en Corse, un bar vraiment pas terrible, il y avait un petit radio cassette, il y avait Gainsbourg qui passait, je me suis arrêté, ça m'a vraiment fait un choc. Je me suis dit, waouh, tout ce que j'aime, en fait, là, les Doors, toute cette atmosphère, même la cold wave, même le dub, même tout ça, toute cette atmosphère-là, musicale, eh ben, elle peut exister en français, je peux la faire en français. C'est ça qui m'a donné le goût de chanter tout d'un coup, la possibilité de chanter pour moi. Alors que mon père, finalement, mon père, c'est comme si je ne l'entendais pas. Enfin, ça me nourrissait, mais c'est comme si c'était extérieur. Alors que Gainsbourg, bam, je me dis, ah, c'est possible de faire ça. Donc, c'est possible de relier Jim Morrison et Gainsbourg. Ce qui, en fait, ce que je suis toujours en train de faire aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'était mon rêve d'adolescent et que je suis toujours en train de vivre. Alors, la voix s'est mise en place à 16-17 ans? Un peu plus tard, hein, parce que... Et la voix rauque, en fait, c'est pas vraiment un choix. Bon, c'est aussi, bien sûr, une espèce de mauvaise imitation de Tom Waits. Mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'asthme. J'ai eu beaucoup d'asthme très longtemps. Et quand je chantais, ça faisait ça, quoi. J'avais ni besoin de boire, ni besoin de fumer pour avoir cette voix-là. J'ai juste besoin d'avoir de l'asthme et toutes sortes d'allergies et toutes sortes de un peu de blocage, quoi, voilà. OK. Et tu as ajusté le style à ta voix ou si tu t'es dit, moi, j'ai une voix qui peut aller vers le jazz, qui peut aller vers le... Non, au départ, j'avais la voix que je pouvais avoir, en fait, tout simplement. OK, OK. Et puis j'aimais bien raconter des histoires, et puis j'aimais bien raconter des histoires un peu mystérieuses, un peu tendues. Surréaliste aussi. Un peu surréaliste, avec de l'humour noir, comme un fantôme s'est suicidé, ouais. Ou des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, le jazz, la couleur du jazz dans la chanson, amenait ce côté un peu, très nocturne, un peu sombre. Cabaret, ouais. Voilà, c'est tout ce côté-là qui pour moi était très, surtout, en fait, très cinématographique. Parce que je trouve que la chanson est un art cinématographique. C'est un art de créer des paysages comme ça, invisibles, mais c'est vraiment du cinéma invisible, la chanson. Mais toi, ta grande force, c'est l'improvisation. Tu peux partir sans difficulté. Ouais, la musique amène ce côté un peu, enivrant. Et tu peux partir juste piano-voix à t'écouter chanter et tu pars et ça devient une fresque exceptionnelle. Cold jazz, comme je le disais tout à l'heure, était une des premières chansons qui te laissait... La chanson pouvait durer 8 minutes, comme 15 minutes. Ça dépendait du feeling que tu avais avec la salle, puis avec tes musiciens. Ouais, c'est sûr qu'on a fait de très très longues versions de cool jazz. Oui. Puis même des remixes, des plusieurs versions qu'on pouvait avoir, pouvait s'acheter. On va en venir à en parler un peu. Le groupe que toi tu as forgé, le Pesche Bozo Band, est venu comment? À l'âge de 22 ans, tu t'es... Au début, j'ai eu quelques expériences musicales un peu frustrantes. Et à un moment, j'ai une révélation. Je me suis dit, mais je vais faire mes chansons sous mon nom, voilà. Quelque chose de personnel. Mais tu as décidé H, non pas Higelin. Ouais. J'ai décidé H parce que pour moi, ça a été tout un énorme et très long combat de récupérer mon nom. Que quand quelqu'un est très connu, il truste le nom, en fait. Il truste l'énergie du nom. Et du coup, il n'y a plus de nom pour les autres. Parce qu'un nom, c'est quelque chose qui se partage. Un nom, c'est quelque chose que tu reçois. Et si tu as des enfants, tu le transmets. Donc c'est quelque chose qui passe, qui ne t'appartient pas vraiment. En fait, tu es responsable de ton nom, une partie de ta vie. Et puis, mais quand quelqu'un est connu, ça devient... Il prend tout. Ouais, il accapare le nom. Donc pour moi, mon nom c'était Arthur. Et c'était pas Higelin, quoi. Et ça m'a pris de faire des enfants et de beaucoup travailler pour récupérer, moi, de dire oui, je suis Higelin aussi, je suis Arthur Higelin. Parce que c'est important, à un moment j'avais rencontré un Africain, un Gabonais, il m'a dit Higelin, Higelin, parce que pour eux le nom c'est ton identité et puis c'est aussi ta flèche du temps, tu vois, qui descend très très profond, ta façon d'être relié à tes ancêtres. Et pour eux, si t'es pas relié aux ancêtres, t'es nulle part, tu flottes dans le vide, tu vois. Voilà, j'ai récupéré mon nom, mais à l'époque, et artistiquement, je voulais vraiment me placer différemment, quoi. C'était H. Arthur H, voilà, c'était mon identité, avec un H, vraiment le début muet, quoi, avec une espèce de tour, comme ça, de dire... qui voulait dire un peu, quelque part, fuck off, aussi. Il y avait un côté, le H, c'était... La hache aussi. Ouais, c'est tranché, quoi. Ouais, il y avait ce côté-là, hache. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un mec génial qui s'appelait Brad Scott. Et qui s'appelle encore Brad Scott. Et qui s'appelle encore Brad Scott, d'ailleurs. Que j'ai rencontré, oui. Ouais. Il y a 3 ans. Ouais. Un personnage assez exceptionnel. Ouais, voilà. Un mec fabuleux, un Anglais un peu perdu en France, qui adorait la France et qui a fait toutes sortes de métiers, toutes sortes de trucs, et qui était un mec très très marrant. Et... qui a fait du théâtre, du cabaret, et qui hésitait à devenir musicien ou pas. Moi, je le trouvais très très bon, parce qu'en fait, il avait un jeu de contrebasse assez exceptionnel, très très mélodique. Il faisait vraiment des mélodies, parce qu'il avait beaucoup écouté aussi de reggae, de dub, et il avait ce sens de la basse qui vient du reggae, qui pour moi aussi est très important. En fait, j'ai l'amour de la basse. Depuis que j'ai 12-13 ans, que j'écoute du reggae, le Gladiators, les Scratch Perry, tout ça, c'est vraiment c'est la basse comme une espèce de chose fondamentale et aussi très mélodique, quoi. Donc il avait ça. Et je l'ai convaincu quand même de continuer à faire de la musique parce qu'il hésitait vraiment à continuer la musique, en fait. Et puis on est un peu tombé en amour, comme on dit chez vous, quoi, musicalement, artistiquement, en fait. Plus que musicalement, artistiquement, parce qu'on est, on s'est dit, voilà, la musique, c'est aussi, on veut faire un cabaret futuriste, en fait. C'était l'idée de, pendant des années, faire un cabaret futuriste, c'est-à-dire qu'il y a un pied dans le passé, un pied dans le futur. Ça fait 26 ans là, que tu as commencé à ériger ce genre de cabaret-là. 26 ans, c'était... À 24 ans, tu as fait le groupe. À 26 ans... Non, à 22 ans, on est parti tout seul avec Brad. On a fait un petit cabaret comme ça dans des petites salles parisiennes. Okay. Il avait trouvé un poste de radio dans la rue, un vieux poste de radio des années 40. On avait mis une guirlande dedans et une boîte à rythme. Sur une cassette enregistrée, c'était vraiment pourri. Hein. Mais c'était super, tu vois, avec la contrebasse, le piano, ce poste de radio qui clignotait, tout ça. Il y avait une super atmosphère, très théâtrale. Et après, on a trouvé un batteur, Paul. Donc on était 3. Là, j'ai écrit Cool Jazz et tout ça. Et après, Brad a ramené des amis à lui, un Américain qui s'appelle John Hansman, qui a apporté des cuivres. Et puis Edmundo Carnero, et c'est devenu le Bashi Bouzouk Band, quoi. David Coulter, qui est un Anglais, touche à tout, qui a joué avec tout le monde. David, il a joué avec Radiohead, avec Tom Waits, avec plein de gens. Et lui, David Coulter, il apportait les ondes thérémine, du violon, du ukulélé, du banjo, des percussions, plein de couleurs comme ça. Et voilà, c'est devenu le Bashi Bouzouk Band. Et puis là, c'était assez intemporel, le Bashi Bouzouk Band. C'était entre le jazz, la rumba... Il y avait aussi une mise en scène assez exceptionnelle. Tu avais un chapeau que tu enlevais, ça faisait comme une boule disco, là, un certain... Ben, c'était très théâtral, parce qu'on a rencontré un éclairagiste, Daniel Lévy, qui était dans le théâtre contemporain, vraiment, qui était très expérimental. Et puis mon frère aussi, Ken, aussi, qui avait travaillé avec Peter Brook. Et entre Brad, moi, Daniel et Ken, on a beaucoup, beaucoup d'idées théâtrales. Bon. Tu es loin, belle comme une orange, douce comme un orage. Je vois de l'avion la géométrie incandescente de ta città di luce, ta pulsation irrégulière des milliards de lumières, c'est les battements de ton cœur. Je t'abandonne dans ce dédale de phosphore. Je te laisse, mon abeille luminescente, dans ta ruche de flammes. N'es-tu pas près de moi? Mais où es-tu maintenant? Dans quel monde, sous quelle loi? L'avion s'éloigne, se lave dans son bain d'étoiles. Bercé par le moteur, je tombe dans un rêve d'océan où des poissons et de son cercle magique ne laisse dans le ciel aucune trace. Mais où es-tu mon amour? Pourquoi n'es-tu pas près de moi? Je suis ton nos signes et fleurs. Et elle me souffle comme un baiser. Je veux tes mots et ton parfum, tes chansons et tes mains. Oh ma Nancy, je ne suis pas plus qu'un voyou, qu'un plaisantin. Prends ma chanson et va-t'en. Je ne suis qu'un mauvais garçon.